comme là, il y a des garderies, là, il s'est rendu halal, il faut que tous les enfants mangent halal. Heureusement que j'ai pas d'enfants. C'est sûr, sûr que j'aurais. Non, non, ça marche pas, là. C'est parce que là, on est en train d'imposer des choses, de se faire imposer des choses pour l'idée du vivre ensemble. C'est plus le vivre ensemble, on est en train de se faire tosser dans le coin. C'est quoi? Même qu'on soit plus là, vous vivre ensemble, on est encore là! Oh! Faut pas que je me choque. Faut pas. Oh, que je deviens malin. Ça me choque tellement. Je m'excuse, mais les cultures ne s'équivalent pas toutes. Puis je considère que du monde qui vive, qu'on le voit rien que les yeux, qui se mettent des gants noirs pour pas qu'on le voie la peau des mains, puis c'est... Je m'excuse, mais c'est des cultures inférieures. Puis oser me dire que je fomente la haine puis que j'ai un discours de haine, voir, ça va me faire plaisir d'aller me défendre puis de dire pourquoi je dis ça. Je suis dans mon droit de dire ça, puis... On est tous dans la... Puis là, il va falloir à un moment donné arrêter d'avoir peur. Parce que le Québécois, il a tout le temps été gouverné par la peur, puis la peur, puis la peur, là, ça va faire. De toute façon, qu'on ait peur ou pas, on s'en va vers le mur, puis dans le trou. Fait qu'aussi bien d'arrêter d'avoir peur, de se tenir debout. Tant qu'à aller à l'échafaud, là, ben, on va le faire en se tenant debout, puis en donnant une prestation de dignité. C'est mieux que rien. C'est mieux que de mourir à genoux à terre en train de supplier. C'est quoi ces conneries-là? Il n'est pas question que je ne me plie jamais à des affaires qu'on m'impose des choses que je considère comme inférieures. C'est vraiment des cultures inférieures parce que Christ n'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Là, sont là, les féminicides augmentent au Québec. Ben oui, mais pourquoi, selon vous? Pourquoi, à un moment donné, est-ce que c'est possible de faire une corrélation? C'est comme on voit dans le Journal de Montréal, les Québécois, c'est les champions de l'aide à mourir. Ben oui, mais on était les champions mondiaux du suicide. Vous ne faites pas une corrélation. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Vous ne le voyez pas. C'est quoi ces conneries-là? Il n'y a personne qui va nous respecter si on ne l'impose pas. Puis là, je parle de l'imposer avec autorité. Genre, ils n'ont pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Moi, c'est comme ça. Puis là, le nationalisme de pacotille qu'on a là, puis l'indépendantisme de pacotille qu'on a là, c'est la même crosse depuis les années 70, puis même avant. Ça va faire. C'est quoi ces niaiseries-là? On n'a pas à se justifier d'exister. Nous n'avons pas à nous justifier d'être ce qu'on est. C'est quoi ces conneries-là? On est là, vous allez faire avec. Puis ici, c'est pas, c'est bien de valeur, mais la forêt, c'est qui l'a éclairée, puis c'est qui qui a labouré ça, c'est qui a souffert pour que la terre s'enrichisse puis qu'elle produise de quoi? C'est pas eux autres. C'est pas eux autres, on a des prérogatives en tant que peuple. Puis, vous aurez beau mettre des antennes partout après les clochers d'église, qu'il n'y a pas de mise à terre, puis que ça attire la foudre, puis que les églises brûlent. Vous aurez beau brûler toutes les églises, vous ne pourrez pas l'enlever. Parce que ça, c'est parasitaire, à peu près. Il reste un fond. Puis peut-être que c'est tout ce qui nous reste pour nous protéger contre d'autres parasites, d'autres formes parasitaires de pensée qui n'ont pas de raison d'être ici. À un moment donné, ça va faire. On nous prend pour qui, là? Pour des sans-dessins? On va voir. On verra. On verra. Moi, c'est bien de valeur, mais il n'y a rien qui va m'empêcher de dire ce que je pense. Quand ben même, il serait 10 autour de moi puis que je risque ma vie, je m'en fous. J'aime autant crever en disant ce que je pense que de crever comme une merde à terre. Il y a une de mes tantes, était avec une de ses amies, il était en file à Toronto pour aller je sais pas trop où, puis il avait un bonhomme, je trouve ce qu'il faisait à sa femme qui était voilée, mais je pense qu'il en avait deux même. Puis c'était tellement qu'en arrière, ma tante et son ami ont fini par dire, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis là, le bonhomme, il gueulait comme, tu sais, pas comme moi, là, il gueulait genre comme un chien qui jappe, là. Ben, le bonhomme, il servirait de bord, puis il a craché dans la face. Puis il n'y a pas un homme qui a rien fait. Il n'y a personne qui a rien fait. Il n'y a personne qui a rien fait. Il y avait des hommes qui étaient là dans le fil avec eux autres, puis tout le monde a fait comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Voyons donc. C'est inacceptable, ça. Vous allez laisser faire ça, vous autres, un cave de sans-dessin, de manger une marde qui tient ses deux femmes en laisse, vous crachez dans la face d'une autre femme, puis de rien dire, puis de rien faire. Hey, mais surtout après toutes les niaiseries sanitaires qui nous ont rentrées dans la tête, c'est pas des voix de fée, ça? J'ai pas envie, moi, de pogner des virus de couscous, ça me tente pas. Vous aurez beau dire c'est raciste, que je m'en fous. À un moment donné, c'est parce qu'il va en avoir un ras-le-bol, puis ça va être eux autres de gérer ça. Parce qu'il reste cette valeur, on est encore en majorité. C'est dommage, hein? Pas tout de suite, pas tout de suite. Peut-être qu'à un moment donné, on ne pourra plus. Mais là, encore, pendant qu'on peut, faut le prendre, là. Faut la prendre, la place. Sur des affaires, ça m'enrage tellement. OK, j'en ai manqué, là. La certification halal va être le dernier coup d'épée chez les petits et moins. Ben là, comment voulez-vous qu'un producteur de porc se fasse certifier halal? On fait comment? Hein? J'achète de la ferme locale. Moi, ouais, des fois, c'est mieux. Les coûts sont élevés pour ces. Ouais. Ben, c'est des raquettes. Tant qu'à moi, c'est des marchés de. Moi, qu'il y ait un imam, qu'il y ait béni ou pas, la vache, je m'en fous. Je n'ai pas question de payer plus cher pour ça. Voyons, il sert à rien, lui, qui dégage. Voyons, ça sert à rien. Il sert à sa propre communauté, à lui, qui paye eux autres plus cher. Mais moi, il n'y a pas question, là. Je ne vais pas payer plus cher pour qu'un rabbin ou un imam vienne bénir, là. Voyons, là. J'ai acheté de l'agneau de la ferme de mon village et comme il n'y a pas d'abattoirs certifiés sur la côte nord, ils sont obligés de faire abattre leur viande de l'autre bord. Moi, j'ai vu le dernier abattoir mobile de ma région. Mais quand j'étais petit, il y en a qui débitaient sur leur terre, carrément. Puis aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. C'est écrit halal sur mes paquets. Ah oh, oui, l'autre bord du fleuve. Ah oh, oui, puis je l'avais acheté l'autre. Ah ben. Non, les producteurs, là, mettez votre pied à terre. Moi, être producteur de. Non, j'aime mieux faire faillite, je pense. Voyons donc. Pas certain que c'était leur choix, c'est ça, là. Ben, bord. Comment ça? On n'ose pas en parler, c'est tabou. C'est tabou. Le monde, ils ont peur de passer pour raciste. Ils ont peur pour passer de fermé d'esprit. Puis, hey, c'est pas vrai qu'on va se faire éduquer par le tiers-monde. C'est pas vrai. Voyons donc, là, à un moment donné, on est où, là? À se voir si on va accepter ça. Moi, ça me choque, ça m'enrage. Ça m'enrage. Des fois, c'est du monde, ça vient de la Mauritanie, puis des enfants normaux. Ils vont venir nous faire notre éducation. Maudite marde. Ça mérite d'être sacré dehors en plein mois de janvier. Envoyez, va t'éduquer dans le banc de neige. Comment il a fallu que nos ancêtres le fassent. Construis-toi une maison, voir. Gang de comiques. C'est pas en buvant du lait de chameau le plus gros que tu veux, tant que tu voudras, tu vas pas passer. Ça marchera pas de même. Faut pas que je pense à ça. Faut pas que j'y pense. Je deviens tellement en colère. Mais bon, en tout cas, au moins, ça m'énergise un peu. Ou encore que c'est écrit ça, mais que c'est pas halal. Ben, c'est une arnaque. Tant qu'à moi, c'est un racket. Ce sont des producteurs bien canadiens. Enfin, ben oui. Ah, oh, qu'on se fait, ouais. Probablement qu'au début des religions, ces règles alimentaires servaient aussi au point de vue économique. Moi, je pense que c'est parce que la viande de porc est extrêmement parasitée. Entre autres, elle était quasiment impropre à la consommation dans le temps, vu que c'était un animal fouisseur, puis les façons que c'était élevé, puis tout. Mais en Asie, il y a tout le temps eu du porc, là. Mais je veux dire, les Européens mangeaient du sanglier. Les porcs sauvages sont pas. Non, c'est bonne valeur, là. Je veux dire, en plus, le porc tout est bon. Je veux dire, même les oreilles, tout, je veux dire, tout se mange. Il n'y a rien qui goûte mauvais après cet animal-là. Bon, du coup, c'est dans les animaux les plus rentables. Les plus rentables. Probablement qu'au début des reliés, moi, ça me dérange pas de me faire traiter de xénophobe. C'est la méfiance qui a permis de conserver la diversité de la race humaine. Moi, l'élevage du porc consomme beaucoup d'eau. Ben, tous les élevages. Mais là, c'est parce que les normes sont rendues tellement élevées. L'UPA, là. Deux fois, ils en mettent trop. Ils en mettent pas mal. Des truies dans un élevage de porc, faut qu'elles accouchent dans un milieu qui est totalement stérile. Totalement stérile. Plus stérile que les femmes enceintes humaines à l'hôpital. C'est quoi ces normes-là? Les normes pour les humains diminuent, puis le reste, oh là, un instant. Hein? Les féministes ont besoin d'une leçon. Jamais je vais les. Ben, c'est parce qu'une fois là qu'on va être prêt avec ça là, c'est comme Jeannette Bertrand qui dit, oh, nous autres dans la ville, on a accès à plus de culture. Ah oui. Il me semble avoir au CHSLD se faire bardasser par un Marocain. Quand il va lui dire ce qu'il pense, lui. Je sais pas, là. Je dis ça comme ça, une mise en situation. Il y a Lise Payette, à un moment donné, elle était à l'hôpital, puis la préposée, elle voulait pas faire sa toilette parce qu'elle disait que c'était contre sa religion. Mais ça, c'était juste une excuse. Parce que moi, s'il faut que je lave les parties intimes de Lise Payette, ça se peut aussi que je m'invente que c'est contre ma religion. Moi, je touche pas à ça. Bête valeur. Des fois, je sors des affaires de même, je devrais faire attention. Mais regardez, là, c'est parce que là, à un moment donné, c'est parce que ça finira plus. S'il faut s'adapter à un puis à l'autre, puis ça finit plus, puis. Non. Ici, c'est le même, c'est à toi de t'adapter, c'est toi qui arrives d'ailleurs, pas le contraire. On va pas s'adapter à tout le monde tout en même temps parce que c'est impossible. C'est impossible parce que là, ça va finir par être contradictoire. Ça va finir, ça n'a pas le choix d'être contradictoire. À un moment donné, c'est de la schizophrénie. C'est comme vous avez du monde extrêmement à gauche qui vont défendre les femmes à tout prix, mais il faut aussi défendre les. Qu'est-ce que tu fais là? Mais si jamais on se ramasse là, avec une majorité de musulmans, là, tu vas voir que les femmes, ben, tu vas vouloir les défendre, tu vas te faire fermer la gueule. Tu vas être tellement occupé de défendre toi-même que tu ne pourras plus défendre rien, ni aucun idéal, ni tout, puis c'est toi qui vas raser les murs. Si ça continue, c'est nous autres qui vont regarder à terre dans la rue puis qui vont raser les murs. Wow, il n'y en a pas question. C'est rendu en France, là, des jeunes, ils se font voler leur dîner. Puis là, tout d'un coup, là, ils voient, ah, oh, il y a du porc, c'est du jambon, ça, puis ils redonnent. OK, c'est interdit de manger du jambon, mais c'est pas interdit de voler ton prochain. Maudite gang d'innocents sans dessin de calice. Bon, je m'excuse, là, il est temps que j'arrête, là. Je vais finir par me. L'autre, là, du Trisac, là, il avait quasiment perdu sa job parce qu'il avait dit que c'était pas intelligent de faire jeûner des enfants. Là, à ce niveau-là, c'est parce que c'est une méconnaissance. Parce que moi, personnellement, le ramadan, c'est jusqu'au coucher du soleil. C'est pas mal, si dangereux, là. C'est pas si pire que ça. Mais il avait été dire quelque chose que, tu sais, je veux dire, c'est correct d'être critique, mais il faut au moins être au courant de ce qu'on critique. Parce que moi, j'en vois des fois, ils chialent contre justement. Moi, j'ai rien contre les musulmans. Dans le fond, c'est un certain type d'idéologie politique que je compte. Puis au niveau social, puis. C'est parce que dans le fond, quand j'écoute vraiment des vrais islamophobes, ils savent pas la différence entre des chiites puis des sunnites. Ils connaissent pas l'histoire de. Je veux dire. Il faut au moins savoir de quoi on parle un petit peu. Un petit peu. Donc. Les valves cardiaques sont en peau de porc, même c'est des artères là, de porc, des cartilages. Plus que ben, il y a de la peau et tout, ils font des cultures, je pense. Mais oui, ben là, ceux qui sont halal puis cachers, ben qui crèvent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si la technologie, c'est ça, puis qu'ils peuvent pas, ben j'ai l'impression que là, tout d'un coup, ça serait correct. Hein? C'est vrai, ça devient incohérent. C'est incohérent. C'est totalement incohérent. Vous ne pouvez pas défendre les deux affaires opposées en même temps. À un moment donné, il faut faire un choix. J'ai travaillé sur une bergerie et les gens venaient de Montréal pour acheter des agneaux pour les jours du sacré l'Aïd. J'ai appris qu'ils les abattaient dans le bain. Oui, vous les mettez dans le bain puis vous les attachez après. Si le lavabo est pas loin, vous pouvez les attacher après un tuyau ou après le robinet, puis vous les égorgez dans le bain. Puis le pire, c'est que selon les lois des municipalités, vous n'êtes pas supposé envoyer quelque chose de coagulant, de biologique de même dans des renvois d'eau usés du type de bain, là. Techniquement, ça va contre les réglementations des municipalités, mais ils font rien. On est incohérent. C'est incohérent, là, à un moment donné, là. Parce que là, bon, c'est... Imaginez votre voisin d'en haut, il égorge des agneaux dans le bain, puis là, il y a un bouche, sa bouche le renvoie, puis tout, puis vous avez le cerveau qui remonte chez vous, comme dans Amityville. Hein? Ça va être le fun, ça. Ça va être beau tantôt. En plus du sang qui ça pue, hein, du sang, ça sent fort. Là. Quand il y en a beaucoup, ça sent fort du sang. En tout cas, genre d'odeur qu'on n'oublie pas. Ça se fait encore l'abattage à la maison. Eux autres, ils ont le droit. Ah oui, vous parlez sur des fermes. Je sais que dans mon coin, là, il y en avait un cultivateur, il dit, je peux pas, si je le fais, je peux pas. En tout cas, il se faisait achaler, là, par l'UPA. Mon père m'a dit qu'il y a des Arabes qui vont en Abitibi crosser le monde en leur vendant du faux or. C'est bien possible. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est comme crosseur par rapport à ça, c'est des mangeux de marde de Montréal qui viennent pour en acheter. Pas mal moins cher que ce que ça vaut. À chaque année, ils viennent ici, les hôtels. Là. Je dirais pas à qui appartiennent, là, les hôtels, mais il y en a qui sont complices de ça. Gardez votre or. Vendez-les pas. T'sais, je suis pas en train de vous dire quoi faire, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, mon oncle, un ancien barker, s'est fait avoir, il n'était pas convaincu. Je comprends donc. Il aurait dû. Ben, il doit avoir des connexions puis tout, qu'il aille le rechercher. C'est un ancien biker qui aille le rechercher, son or. Peut-être même pourrait ramasser. Tu sais que. Ah, sinon, il s'est fait vendre du faux, ben, qu'il aille rechercher son argent. À un moment donné, là, imaginez que c'est ton voisin, Bertel, qui égorge l'agneau avec le refus de boire. Bah ben là, c'est correct, là. Ah, je monte direct en haut. D'ailleurs, c'est arrivé à un moment donné, j'avais donné la directive de ne pas se servir des lavabos tant qu'il n'était pas venu un plombier, puis j'avais averti tout le monde, puis la colocataire, elle avait en haut, là, complètement, elle n'avait pas averti sa colocataire. À un moment donné, je m'étais dépêché avec une chaudière à enlever le trop-plein, plutôt, mais j'ai monté en haut, puis là, je frappais à la porte, bang, bang, bang. Si j'ai frappé fort dans la porte, je voulais être sûr qu'elle m'entende, peu importe ce qu'elle faisait. Quand elle est arrivée de peur dans la porte, qui cogne? Qui? Ah, c'est qui? Je lui fais couler de l'eau, j'avais dit de pas le faire. Je dis, ben moi, je suis pas au courant. Ben votre colocataire est co-responsable du bail, puis le bail, c'est un contrat. Puis c'était son devoir de vous avertir. Moi, je suis bien préjudice, là. Ça va commencer à mal aller si je mets un avocat là-dedans. Là. Oui, je le savais pas. Désolé, gna, gna, gna. Ben oui, mais là, tu le sais. Arrête de faire couler de l'eau, maudite épaisse. J'ai pas dit ça, mais il reste que je n'étais pas de bonne humeur. Mais quand j'ai cogné dans la porte, là, ça a dû résonner dans toute l'appartement. J'étais tellement maudit. Ça se peut-tu être sans dessein de même? Voyons donc. C'est ça, on est ça de l'éducation qu'on fait. Moi, je suis pour la diversité, puis faciliter le vivre ensemble. Hein? C'est de ça que j'ai fait. Puis il va falloir le faire de plus en plus. On a un devoir d'éduquer. Hein? Je veux dire, dans le fond, là. Sinon, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. C'est comme quand ils mettent des affaires qui n'ont pas d'affaires dans un bac, puis c'est pas long, je sors de chez nous. Je dis non, non, c'est pas ça, là. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un site, la municipalité, vous allez le dessus, vous allez lire la réglementation, vous allez l'apprendre par cœur, c'est votre devoir. C'est votre devoir. Parce que moi, à chaque fois, là, tu vas avoir des nouvelles. J'accepterai pas ça. Nous autres, on fait l'effort de trier nos poubelles, ben, tu vas faire pareil. Puis tu vas les apprendre la règle. Oui, je t'ai pas au courant, je m'en fous. C'est pas une excuse. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça qu'il va dire un juge. Ben, je parle même à un tribunal municipal, là. T'es supposé, c'est ton devoir de t'informer de la réglementation. Peu importe ce que tu fasses, comme les Mexicains qui me changeaient l'huile en avant, puis qui envoyaient ça dans le. Wow! Là, cette fois-là, je t'ai pas préparé, je m'y attendais pas, puis tout, mais le prochain coup, là. Même, elle s'est rendue. Ça n'a pas de bon. Ça s'est rendu, il va falloir faire venir les inspecteurs municipaux. On va le faciliter le vivre ensemble. Ça ne va pas passer par la baguette. C'est supposé être de même. Moi, si je m'en vais, il y a bien des plages, je me ferais mettre au pas, mais il n'y aurait même pas besoin, je me mettrais de moi-même. Mais je ne suis pas la bouche qui cite. En tout cas, notre loi demande que ce soit dans un cercueil pour la salubrité, notre culture et pour bien organiser les cimetières. Ben, il n'y en a plus de cercueil, quasiment. Le monde, ils se font brûler. C'est l'incinération grâce aux théosophes qui ont popularisé ça. Le monde se font brûler à cette heure, alors que dans notre culture, on attend la résurrection des corps. Ça va être beau de voir les cendres se relever. À un moment donné, c'est parce que le monde n'y croit plus. Bon, c'est correct. Donc, si vous voulez que je vous dise, ils se feront brûler, c'est tout. Moi, bon. Je pense que je pense que je vais mettre dans mes préarrangements de me balancer d'une fosse commune. Hein? Je veux pas être incinéré juste par principe. Juste par principe. On n'est pas des hindous. Si on n'est pas. C'est quoi ça? Tant qu'à faire, oh, moi je veux être dépecé puis donner au corbeau, t'es. Je suis. Comme Alexis Cossette-Trudel, il est bouddhiste tibétain. Ben, qu'il mette dans ses préarrangements d'être chopé en morceaux, là, puis d'être garroché au charognard. C'est ça la tradition. Maudite belle culture. Qu'est-ce que c'est donc des cultures raffinées, évoluées, avancées? Ça a fait avancer l'humanité, ça. Le Tibet. Maudite. Les musulmans ne veulent plus se plier à cette loi. Ce n'est pas sorti du bois. Ben, faut les plier. Ça veut pas plier, tu le forces puis ça plie. Ça, on est trop con. On est trop con. La réglementation, vous l'appliquez de force. C'est supposé être de même. Non, c'est nous autres qui va nous faire forcer à accepter n'importe quoi, même des choses qui vont contre la loi. Ça va être contre la loi d'être pour la loi quand c'est eux autres. On va être contre la loi d'être pour la loi quand ça se dit pas. Hein, on va être tout mêlé, ça va mal finir. Après, le monde, il va avoir tellement, ça va créer tellement de malentendus, ça va créer tellement de. Ben, c'est ça, on va être ça va être on va être dans le flou tout le temps. Là, c'est pire là, que l'Union soviétique, qu'on n'ose pas rien dire, qu'on n'ose pas rien faire, parce qu'on ne saura même plus de quoi on parle, puis de qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les lois, puis on va être tout mêlé. Au moins, eux autres, ils savaient les lois. En tout cas, je veux dire, ils savaient ce qu'il fallait pas faire, puis c'était clair. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de ça, là. Je suis en train de dire, si ça continue, on s'en va vers quelque chose même inférieur à ça. Parce qu'il n'y aura plus rien de clair. Ça va être l'intelligence artificielle qui va nous. Les maires de New York, ce n'est certainement pas le dernier. Partout, ça va être de bon. Ben, franchement, New York, c'est une méga. C'est une métropole internationale, dans le fond. Puis, il fera pas ce qu'il veut, lui-là. Là. C'est gros New York, puis le conseil municipal, puis tout, c'est toutes des grosses personnalités. Il fera pas ce qu'il veut, là. Tout ce qu'il veut, là, va falloir qu'il s'adapte, puis tout, puis il a pas l'air, tu sais, je veux dire, y a-t-il une grosse barbe, y a-t-il une. Parce que là, en ce moment, dans les affaires de réinformation, comme que ça soit aux États-Unis ou même ici, Luxmedia, là, ils nous montrent le nouveau maire de New York, puis là, ils mettent ça en lien avec, là, on voit les avions qui rentrent dans les édifices à New York du 11 septembre. Puis là, il y en a une qui est allée tweeter une politicienne américaine, c'est comme si les deux tours venaient de retomber. C'est drôle, ça, parce que ces gens-là de réinformation qui sont dans des narratifs alternatifs, avant, c'était un mensonge que c'était le terroriste, les tours à New York. Mais là, depuis que le maire de New York, qui était un musulman, tout d'un coup, c'est redevenu des attentats islamistes. Alignez donc vos flûtes avec votre tête, puis essayez donc d'être cohérent, gang de style sans dessin. Ça se peut-tu être cave de même? C'est une vraie honte. Une vraie honte. Quand j'ai vu ça, pite faire sa déformation. C'est pas des réinformations, c'est des déformations. Là, tout d'un coup, ils mettaient ça en parallèle, nous mettent l'image du Mandonio, puis tout de suite après, là, les avions qui rentrent. Ah, tout d'un coup, c'est des attentats islamistes parce que ça sert leur narratif, ça fait leur affaire de dire ça, tout d'un coup, de remettre ça. OK. Wow. C'est quoi ça? C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est pour des raisons financières, politiques, puis d'un paquet d'autres affaires par rapport à des agendas que c'est arrivé, mais ça a jamais eu. Attention, là. Parce que là, c'est pas de la réinformation qu'ils font, c'est une sorte de propagande. C'est carrément une sorte de propagande pour la stratégie. Moi, je vois là-dedans des stratégies de l'attention. Ça se peut pas, là. Ben, ils sont manipulés eux-mêmes par des agents américains. Ça se peut pas, là. Ça se tient pas debout, là. En tout cas, là, quand ça fait leur affaire, là tout d'un coup, là, vous mettez ça en parallèle. Ah, ouais. OK. On l'a vu à quel point, de toute façon, le maire de New York, hein? Comme un plombier, il faut fermer l'influx d'eau avant d'entreprendre la réparation. Je veux dire, adresser les responsables de l'immigration démesurée avant de concentrer. C'est ça, là. Le problème, là, c'est pas qu'ils rentrent des mouches, là. C'est que c'est le cave qui tient la porte ouverte. Fait que, faut remonter à la source, hein. À un moment donné, tant qu'à remonter à la source, là. Sont pas coréens. Ont-ils oublié les saints israéliens qui disaient, ben, voilà. Bon, pas juste ça, là. Pas qu'à d'autres affaires. Là, tout d'un coup, Mathieu, vu comment que c'est pro-sioniste, malade mental, ce gars-là. On dit, on n'a pas de ligne éditoriale, il y en a qui sont pas d'accord. Hey. Sais, je m'en fous, moi, de la ligne éditoriale, on veut juste de la cohérence. C'est possible d'être cohérent? D'avoir un paradigme cohérent qui se désajuste pas selon ce qui se passe, puis ce qu'on veut faire passer, puis. À date, moi, le maire de New York, je n'ai rien à dire, je ne le connais pas. Tout ce que le monde a compte à dire, c'est que c'est un musulman. Si c'est juste ça le problème, là, c'est pas pire qu'un rabbin. Comme ça, là, je vous parlais au début, là, comment il s'appelle? Friedman. Solomon Friedman. C'est un rabbin. C'est lui qui est propriétaire de YouPorn puis de Pornhub. Un rabbin, là. Un rabbin. Il y en a des vrais rabbins, il y en a des vrais juifs, mais il y a une autre affaire, c'est ce qu'on appelle la synagogue de Satan. Parce que là, c'est incohérent. Là. Ça marche pas. Là. Il y a de quoi qui marche pas, là. Depuis quand c'est cachère, ça? Depuis quand c'est. Maudite gang de manger. Pardon. Je vais finir par avoir des problèmes. Le pire, je suis tout le temps obligé de nuancer, parce que c'est nuancé les positions que j'ai, là. Je n'ai jamais été antisémite, ni islamophobe, ni rien, là. Il n'est pas né aux États-Unis, il mange avec ses mains. Ben, c'est ça, c'est des culturités visibles qu'on appelle. Ben, il sera jamais président des États-Unis parce qu'il n'est pas né. Hein? C'est au moins ça, si ça peut vous rassurer. Ouais, eux autres, ils mangent avec une main puis ils se torchent avec l'autre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de prendre d'alcool, ils n'ont pas le droit de boire parce qu'ils pourraient se tromper de main, là. Moi, il faut que j'arrête, là. Je suis rendu, moi. Je comprends le fait de remonter à la source, mais les mouches sont. Ouais, je le sais, ça. Ça, on voit ça après. On commence par fermer la porte, puis après, on sortira. Là. Ben, ça donne à rien, sinon, il faut tout le temps se mettre à mesure, puis on n'y arrivera pas, là. Ben, bon, de toute façon. Ce soir, Ramel fait un direct moralisateur sur le racisme avec son acolyte islamophile qui vous parlait. Je risque d'écouter un peu juste pour voir quelles bêtises ils vont nous sortir. Moi, le samedi, le soir, je fais comme un repos. Si je m'adonne à des loisirs, je travaille pas le samedi. Ça fait que je l'écouterai pas. Parce que ça devient vraiment un travail. C'est pénible d'écouter des affaires de même. Pour moi, en tout cas. Là. Bon, ben, voilà, il y en a, ils savent quand je m'enligne pour arrêter. Ben, bonne journée à tous. Puis, c'était pas pire. Hein. Moi, des fois, je suis encore un peu. Il y a des sujets, là, ça me sort, ça me. C'est tellement incohérent. C'est tellement illogique. C'est tellement. Ben, c'est ça. Il y a quelque chose de. Ben, c'est ça. C'est le genre d'affaire, ça me met vraiment hors de moi. C'est incohérent. On se moque de nous, on rit de nous autres. Fait que bon, on finit qu'on rit. Bon, on va rire aussi. OnlyFans a des centaines d'autres compagnies dans le même style qui s'y connaissent. Larry Silverstein, homme le plus chanceux du monde, qui a fait 4,4 billions en assurance le mois. Moi, ils me font rire, les Américains. Eux autres, ils diraient Silverstein. Silverstein. C'est pas Silverstein, c'est Silverstein. C'est un nom ashkénaze. Ça se peut-tu? Ils sont pas. C'est comme si. Ça me fait penser dans le film de Mel Brooks, le jeune Frankenstein. Il veut se faire appeler Frankenstein. Frankenstein. Ben ouais, mais ça n'a pas rapport dans l'histoire originale. C'est un médecin suisse d'origine. C'est pas. En tout cas. En tout cas. Ben, merci à vous. Oui, faut la souligner, l'incohérence. C'est ça de la cohérence. Souvent, là, à défaut d'être cohérent, au moins souligner l'incohérence, c'est le jeu de la cohérence. Donc, bonne journée à tous. Au revoir.